Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour d'Hannah Arendt et de son livre « Les origines du totalitarisme ». Aujourd'hui, quatrième épisode. Qui, les droits de l'homme, protègent-ils vraiment ? Au centre du livre « Les origines du totalitarisme » de la philosophe Hannah Arendt se trouve un chapitre intitulé « Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme ». Nous avons vu hier comment l'affaiblissement de l'État-nation avait précédé, sans qu'un lien de causalité puisse être clairement établi, l'avènement d'une organisation totalitaire après la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi la philosophe déclare-t-elle les droits de l'homme comme étant chose du passé ? Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle bouleversé l'organisation politique au point de mettre en péril ce qui était considéré comme le fondement de la politique moderne ? Rappelez-vous, ou plutôt, imaginez, nous sommes en 1789 et le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence ainsi. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Bonjour Vincent Lefebvre. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci d'être avec nous pour ce dernier temps de cette série d'émissions sur les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt. Vous êtes maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles, par ailleurs chargé de recherche au Centre de recherche et d'information sociopolitique, qui est un organisme indépendant qui observe la vie politique dans votre pays, donc en Belgique. Et c'est donc avec vous qu'on va s'intéresser à la question des droits de l'homme à la suite d'Hannah Arendt. Hannah Arendt identifie dans la déclaration, dont on vient d'entendre le début, un paradoxe, et ce sera l'enjeu de cette émission de pointer ce paradoxe. Avant cela, quand on entend ce texte, finalement les phrases peuvent être connues, on le comprend de manière assez claire. Or, en soi, il est déjà problématique. Déjà, que signifie une déclaration des droits de l'homme, Vincent Lefebvre ? Les droits de l'homme, si on devait en donner une définition élémentaire, on dirait que les droits de l'homme renvoie un certain nombre de droits élémentaires qui sont attachés à la personne humaine. C'est une manière de considérer, si vous voulez, la question des droits, qui est nouvelle et qui, effectivement, est affirmée pour la première fois, en tout cas, de manière aussi solennelle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, qui, évidemment, est un moment charnière de la Révolution française et qui a eu une influence au-delà, évidemment, des frontières de la France. Ce sont, comme je reprends ici certains termes qu'on retrouve dans les articles de cette déclaration, sont des droits naturels, inaliénables, sacrés, est-il dit aussi, qui peuvent être opposés à l'État ou au pouvoir public plus généralement. Mmh. Et ces droits sont non seulement on les retrouve dans des déclarations célèbres, celle de 1789 en France, mais aussi pensons à la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est un texte que Arendt aussi met au centre de sa pensée, on y reviendra peut-être plus tard dans cette émission, mais qui ont aussi connu une consécration juridique alors très importante au XXe siècle. Et évidemment, il faudra au cours de cette émission tenir compte du fait que le texte d'Arendt dont on va parler date de 1951, et qu'il répond en réalité à un autre moment fort de l'histoire des droits de l'homme, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, de 48, et Arendt, en réalité, a écrit une réplique, en quelque sorte, ou en tout cas, a proposé une analyse dans une revue, alors qu'elle était aux États-Unis, à ce moment-là, pour, d'une certaine manière, critiquer, ou en tout cas, réfléchir à la question des droits de l'homme à partir de cette Déclaration universelle. Donc c'est un texte presque d'actualité qu'elle a repris ensuite pour qu'il figure comme dernier chapitre de l'impérialisme. Mais elle ne manque pas de mots durs à l'égard de ces droits de l'homme. Elle dit dans ce chapitre que les droits de l'homme, enfin la déclaration des droits de l'homme et surtout les droits de l'homme en eux-mêmes, sont le signe manifeste d'un idéalisme sans espoir ou d'une hypocrisie hasardeuse et débile. Alors c'est vrai que si on prend certaines... On pourrait avoir envie de sauver les droits de l'homme dans un tel contexte politique désastreux. Or non, elle s'en prend directement aux droits de l'homme. Alors il faut tout à fait, Adèle Van Redt, vous avez raison de souligner cette phrase. Il y a certains passages effectivement de ce texte qui sortis de leur contexte peuvent apparaître comme des provocations, ce que ces phrases sont peut-être d'ailleurs dans une certaine mesure. Il faut toutefois contextualiser évidemment ces phrases dans le contexte de la pensée d'Arendt, on va y venir, telle qu'elle se déploie dans ce chapitre, mais aussi dans cette analyse monumentale du totalitarisme qu'elle propose juste après l'événement, puisque ce texte finalement est terminé à la fin des années 40, publié en 1951 dans sa première édition, et c'est il y a une volonté chez Arendt de réfléchir au totalitarisme en réfléchissant à ses origines, mais le mot origine lui-même n'étant pas forcément un mot tout à fait adéquat, comme l'a dit Arendt. Il s'agit vraiment d'analyser l'ensemble des éléments qui ont cristallisé, dit-elle, sous forme de totalitarisme, c'est-à-dire elle emploie cette métaphore à la chimie pour dire qu'un certain nombre d'éléments, dans une configuration donnée, ont donné ce régime politique inédit qu'est le totalitarisme, et elle se retourne à partir de l'événement vers ces différents éléments, et parmi ces éléments il y a précisément la situation des apatrides et réfugiés de l'entre-deux-guerres qui motive son texte. Et je reviens donc à cette phrase. Oui, mais ça, vous avez raison d'insister là-dessus, que le terme d'origine, on l'a dit lundi, mais répétons-le quand même, le terme d'origine est trompeur parce qu'il laisse croire qu'il y a une forme de causalité, voire de téléologie dans l'avènement du totalitarisme. Or, il n'en est rien. Et le terme de cristallisation montre bien qu'elle ne pense pas que c'est parce que les droits de l'homme n'ont pas été respectés ou sont en eux-mêmes problématiques que le totalitarisme est advenu, que c'est un des éléments qui ont pu conduire, mais pas le seul. C'est ça, il n'y a pas de causalité ou de nécessité historique. Donc la méthode historique employée par Hannah Arendt, plutôt que causaliste, on pourrait l'appeler une méthode compréhensive, si vous voulez. À partir des éléments et des événements, revenir vers les causes, mais et pas l'inverse. Mais cette phrase que vous citiez tout à l'heure, une hypocrisie hasardeuse et débile, évidemment, elle provient d'une analyse très concrète de la situation des centaines de milliers, voire de millions de réfugiés et d'apatrides de l'entre-deux-guerres. Donc une situation humaine, humanitaire, qui a surgi et qui implique cette réaction et cette réflexion d'Arendt. C'est ça le point de départ. Il y a deux objectifs qui sont poursuivis par Arendt dans ce chapitre, qui est donc une partie du chapitre plus large sur l'impérialisme. C'est la description de la situation juridique et matérielle des populations déplacées dans l'entre-deux-guerres et la critique frontale de deux objets politique précis, l'État-nation et les droits de l'homme. Mais le point de départ, c'est ça, c'est quand même la description de ces personnes qui se sont retrouvées, vous avez prononcé le terme, et c'est le sien aussi, apatrides. Oui. Comment est-ce que cette réflexion-là s'insère dans le cadre de la réflexion plus large sur l'impérialisme et encore plus largement sur le totalitarisme? Alors, il y a peut-être plusieurs éléments d'explication. Adèle Van Redt, il y a tout d'abord le fait qu'Hannah Arendt elle-même a été une réfugiée. Et donc, je pense qu'il y a un élément biographique qui n'est... Elle est à New York quand elle écrit le texte? Elle est à New York, mais elle a vécu en France. Donc, elle a dû fuir l'Allemagne nazie en 1933. Je ne sais pas si ça a été rappelé pendant votre cycle, mais c'est bien d'y revenir. En 1933, elle quitte l'Allemagne, se réfugie en France jusqu'en 1940. Et là, parvient, via le Portugal, à rejoindre les États-Unis, où elle obtiendra quelques années plus tard la nationalité américaine. Il y a donc une expérience vécue d'Anna Arendt d'avoir été elle-même et sa famille et ses proches une réfugiée. Ce qui la sensibilise sans doute à cette situation qui est évidemment une situation beaucoup plus globale des réfugiés qui ont été générés par les événements qui ont fait suite à cette catastrophe, comme elle le dit, qui a été la Première Guerre mondiale, qui a été une catastrophe en réalité en chaîne, qui a entraîné un certain nombre de conséquences politiques qui ont eu toutes pour effet, nous dit-elle, comme une malédiction, de créer à chaque fois des catégories de personnes qui ne pouvaient plus être incluses dans la forme État-nation qui existait ou qui même avait été créé après la Première Guerre mondiale et la dislocation des empires multinationaux, notamment sous l'impulsion du président américain Wilson. C'est un chapitre qui est particulier dans l'économie du texte plus général, hein, cette réflexion sur les droits de l'homme, puisque voilà, elle se place du côté des hommes eux-mêmes, des apatrides, comme si la réflexion politique ne pouvait pas faire l'économie d'une description parfois phénoménologique, parfois plus anthropologique, mais de ces humains qui ont fait les frais du contexte politique. Et ça, on le retrouvera de manière beaucoup plus présente dans les textes plus tardifs d'Hannah Arendt, mais c'est présent dès 1951. Oui, tout à fait. C'est un trait de la méthode arendtienne, je pense qu'on peut le dire comme ça, et on peut se rendre compte que dans d'autres textes, soit de circonstances, soit des ouvrages plus théoriques, elle est toujours très. Ça provient, vous avez raison, de sa méthode phénoménologique, des situations existentielles, et j'ajouterais de situations existentielles limites. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est ici, évidemment, penser la question du titulaire des droits de l'homme à partir de la situation des apatrides et des réfugiés. C'est quand même une manière philosophique assez intéressante et originale d'aborder la question des droits de l'homme et de leur titulaire. Si on prend d'autres exemples, j'en citerai un, penser la justice pénale internationale et les enjeux qui se posent à la justice pénale internationale à partir du procès d'Adolf Eichmann, c'est aussi une matière sur le plan méthodologique de partir d'une situation limite, en l'occurrence le génocide des Juifs et ce procès extraordinaire qui se tient à Jérusalem en 1961. Alors pour comprendre le paradoxe qu'identifie Arendt dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il nous faut entendre les deux articles qui suivent ce qu'on a entendu. On a entendu le premier article, hein, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », une phrase qu'on a retenue aux dépens des deux articles qui suivent, et le troisième notamment. Enfin écoutez, article 2, article 3, puis on pointera ensuite ensemble le paradoxe qui est extrêmement problématique. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Vous écoutez Les Chemins de la philosophie sur France Culture, un extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont Arendt propose une lecture particulière dans les origines du totalitarisme. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Jusque-là, pourquoi pas, Vincent Lefebvre, mais nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Cet article semble contredire ce qui était dit par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a de droits de l'homme que dès lors que cet homme appartient ou reconnaît une souveraineté, donc un État ou une nation. Oui, effectivement, c'est un des éléments qui est tout à fait intéressant dans le texte d'Arendt. Je pense que c'est l'une des premières à l'avoir fait, à souligner. Non seulement elle va critiquer, hein, de manière concomitante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la fois une conception traditionnelle, celle des droits de l'homme, et aussi elle propose une critique de la forme politique stato-nationale, de la forme politique appelée État-nation. Mais avant cela, elle a pu montrer que, en réalité, ces deux notions ou ces deux conceptions étaient solidaires et étaient arrivées ensemble sur la scène politique à travers la déclaration de 1789, comme on vient de l'entendre. Et il y a déjà là, effectivement, une forme de paradoxe. Hein. On dit souvent que la critique des droits de l'homme d'Arendt repose sur toute une série de paradoxes. Il y a un premier paradoxe, puisque ces droits de l'homme, en principe, devraient être indépendants de toute structure politique. Et en réalité, on se rend compte qu'après l'énoncé très succinct, d'ailleurs, il faut le rappeler, puisque les droits de l'homme, depuis, le catalogue des droits de l'homme s'est fortement complexifié. Mais en tout cas, cet énoncé très succinct des droits de l'homme est suivi par l'affirmation du caractère essentiel de la souveraineté populaire ou nationale. C'est un des premiers paradoxes, effectivement. Donc ça veut dire qu'il ne peut y avoir de droit de l'homme que dès lors que cet homme appartient un pays, un État, une souveraineté, c'est le terme du texte. Et donc ça veut dire que, pour reprendre l'exemple des apatrides qu'emploie Arendt dans le texte, aujourd'hui on pourrait parler des migrants, de ceux qui fuient un pays et qui n'ont plus forcément la nationalité propre à ce pays, eh bien les droits de l'homme ne s'appliquent plus. C'est ça le paradoxe. Ça c'est le paradoxe que met en avant Arendt. C'est-à-dire que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a plutôt une espèce peut-être de confusion, ou en tout cas c'est un lien qui est tout à fait impensé entre la forme État-nation et la proclamation des droits de l'homme. Il n'y a pas de, si vous voulez, dans l'esprit de ceux qui déclarent les droits de l'homme, il n'y a pas de confusion. C'est quelque chose qui est implicite, qui est impensé, et que, précisément, Arendt, dans l'histoire de la pensée politique, est l'une des premières à mettre en évidence. Et justement, elle le fait, non pas de manière purement théorique, mais à partir de l'observation de la situation des populations apatrides, réfugiés des minorités de l'entre-deux-guerres, donc à partir d'une situation concrète où elle va mettre en évidence un autre paradoxe, une série d'autres paradoxes que suscite cette situation concrète par rapport à cette conception traditionnelle des droits de l'homme. Mais ce paradoxe est en lui-même problématique, parce qu'elle le dit elle-même, à peine l'homme s'est-il imposé comme un être émancipé et autonome qu'il disparaît pour devenir membre d'un État-nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir l'homme indépendamment d'un État-nation dès lors que le droit est lié directement à cet État-nation. Ça, c'est très lourd de conséquences. Oui, effectivement, c'est très lourd de conséquences, mais ce n'est pas problématisé sur un plan politique, ça n'est pas problématisé de cette façon-là. On pourrait dire, effectivement, pour vous paraphraser, que l'indépendance ou la souveraineté de l'homme moderne aura duré une espèce de seconde théorique, puisque entre un article et un autre article, un autre article, il était souverain et la source de toute législation, mais en même temps il était inclus immédiatement dans une structure politique elle-même souveraine qui accaparait la souveraineté nationale ou populaire et qui effectivement était elle-même source, la nouvelle source de toute loi et de toute légitimité à la place évidemment de la tradition, de la religion comme c'était le cas auparavant. Donc quels sont les autres paradoxes pointés par Arendt dans ce texte ? Alors, les autres paradoxes qui sont pointés dans ce texte sont... En réalité, Arendt propose plusieurs formulations du paradoxe des droits de l'homme qu'elle retrouve à partir de cette situation, qu'elle peut énoncer à partir de cette situation des populations réfugiées de l'entre-deux-guerres. Pour le dire simplement, elle met en avant, elle met en lumière que, alors que ces populations auraient dû se trouver effectivement dans la situation de l'homme des déclarations, donc qu'elles étaient privées de leur citoyenneté et de toute appartenance politique. Donc précisons qui sont ces populations à ce moment-là. Les populations apatrides, Arendt, dans son texte, parle à la fois des minorités qui ont été créées dans un certain nombre d'États, qui ont fait suite, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la dislocation des grands empires multinationaux, ottomans, austro-hongrois notamment, d'Europe centrale et du Sud, qui ont effectivement généré toute une reconfiguration de la carte européenne. Et on a créé des États dans lesquels il y avait un certain nombre de minorités qui étaient protégées par des systèmes internationaux spécifiques, mais qui en réalité se trouvaient être dans leur pays des citoyens de seconde zone. Et puis il y a eu un mouvement concomitant, ou en tout cas qui a suivi rapidement, qui a été l'apparition de régimes soit autoritaires, soit plus totalitaires, qui ont procédé à des dénationalisations massive d'un certain nombre de catégories de leur population. Par exemple, les Juifs ont été dénationalisés dans cette période d'entre-deux-guerres, en Allemagne notamment, mais pas uniquement. Et d'ailleurs, Arendt nous rappelle que certains États qui n'étaient pas totalitaires ou pré-totalitaires, comme elle dit, comme la France et la Belgique, elle le cite dans son article, ont aussi, dans une moindre mesure, utilisé cette arme de la dénationalisation par rapport à certaines catégories de personnes. Par exemple, en Belgique, c'était les personnes qui n'avaient pas été suffisamment patriotes pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, donc, elle met en avant une situation qui, en fait, était assez globale sur les territoires européens, qui nous paraît évidemment assez éloignée aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, quand on pense à la question des réfugiés ou de la migration, évidemment, on pense à la situation, à ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, qui, pour le moment, se produit toujours sur le territoire européen, à ses frontières, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a une actualité de la pensée d'Arendt qu'on pourra évoquer après avoir exposé sa pensée proprement dite. Alors, pour le dire de manière très synthétique, c'est précisément au moment où ces populations devaient se trouver dans la situation de l'homme des déclarations, qu'elles ont été privées de tout droit, de toute protection juridique, où elles ne bénéficiaient plus d'aucun droit. Alors que on aurait pu s'attendre que dans cette situation, que c'était la situation précise de l'homme des déclarations, de l'homme qui n'est plus qu'un homme, de l'être humain qui n'est plus qu'un être humain, et qui donc devrait plus que tout autre bénéficier de ce catalogue et de cette protection minimale qu'offrent les grandes déclarations de droit, comme le droit à la liberté, l'égalité, la résidence, etc. Les guerres civiles qui ont inauguré et marqué les 20 années d'entre-deux-guerres d'une paix incertaine n'ont pas seulement été plus cruelles et plus sanglantes que les précédentes, écrit Arendt, elles ont entraîné l'émigration de groupes qui, moins heureux que leurs prédécesseurs des guerres de religion, n'ont été accueillis nulle part, n'ont pu s'assimiler nulle part. Une fois qu'ils ont quitté leur patrie, ils se sont retrouvés sans patrie. Une fois qu'ils ont abandonné leur état, ils sont devenus apatrides. Une fois qu'ils ont été privés des droits que leur humanité leur conférait, ils se sont retrouvés sans droit, la lie de la terre. Ce que dit Arendt ici dans ces quelques lignes, Vincent Lefebvre, signifie qu'il n'y a pas de droit de l'homme tout court. Il n'y a pas de droit de l'homme nu, de l'homme sans état, de l'homme qui ne serait pas pris dans une institution. Et c'est là qu'il apparaît dans sa vulnérabilité la plus forte. Oui, effectivement, vous avez raison d'ailleurs de revenir à cette situation actuelle qui nous permet vraiment d'aller au cœur de la critique arendtienne des droits de l'homme, parce que je pense que effectivement, c'est bien ce qu'elle veut indiquer. Quand bien même il y aurait, dans une certaine mesure, une protection des droits de l'homme qui est possible, et c'est le cas d'ailleurs des migrants ou des demandeurs d'asile qui se trouvent sur le territoire européen. Quand on voit les conditions concrètes d'existence des réfugiés ou des demandeurs d'asile aujourd'hui, il faut quand même pouvoir faire une distinction et montrer que lorsqu'on se trouve dans une situation où on est vraiment aux marges de la légalité et du politique, et c'est précisément la situation que vise Arendt dans son texte, en quoi y a-t-il encore effectivement une effectivité des droits de l'homme? Et la question de l'effectivité n'est pas la question qui est forcément la plus importante. Il n'y a certainement pas d'effectivité des droits de l'homme, et il y a au contraire une situation où ces populations se retrouvent en réalité exclues de l'humanité. C'est vraiment ça le cœur de la pensée d'Arendt sur les droits de l'homme, c'est qu'il y a une construction de l'humanité qui est en réalité possible uniquement par l'exercice des droits de l'homme au sein d'une communauté politique, et que c'est bien ce que la situation des populations réfugiées apatrides nous a montré, c'est que si on sort de ce système de garantie et de protection mutuelle qu'est un État fondé sur les droits de l'homme, on est exclu non seulement de la citoyenneté, mais on est exclu aussi de l'humanité elle-même. C'est exactement ce que dit Arendt dans l'extrait que je vous propose d'écouter tout de suite, lu par la comédienne Hélène Losseur. La conception de l'homme dans sa nudité abstraite d'un être humain n'implique pas en elle-même la notion même de droit. C'est sans doute là que le bât blesse. Écoutez le texte. La conception des droits de l'homme fondée sur l'existence reconnue d'un être humain comme tel s'est effondrée dès que ceux qui s'en réclamaient ont été confrontés pour la première fois à des gens qui avaient bel et bien perdu tout le reste de leur qualité ou de leur lien spécifique, si ce n'est qu'ils demeuraient des hommes. Le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain. Or, si un être humain perd son statut politique, il devrait, en fonction des conséquences inhérentes aux droits propres et inaliénables de l'homme, tomber dans la situation précise que les déclarations de ses droits généraux ont prévue. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Il semble qu'un homme qui n'est rien d'autre qu'un homme a précisément perdu les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme leur semblable. Les individus qui ont été chassés de toute communauté politique ont perdu tout rôle dans le monde et tous ces aspects de l'existence humaine qui sont l'aboutissement de nos efforts communs, le fruit de l'invention humaine. Le paradoxe impliqué par la perte des droits de l'homme, c'est que celle-ci survient au moment précis où une personne devient un être humain en général, sans profession, sans citoyenneté, sans opinion, sans actes par lesquels elle s'identifie et se particularise. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et ce magnifique texte d'Arendt qui, avec cette phrase vraiment qui marque l'esprit, dit quelque chose qu'on va essayer de comprendre ensemble, Vincent Lefebvre. Il semble qu'un homme qui n'est rien d'autre qu'un homme a précisément perdu les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme leur semblable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'être homme, ce qui est notre cas à tous et à toutes, même parce que ici c'est homme au sens générique, ne suffit pas à se faire respecter comme tel? La notion de droit doit venir se surajouter au fait d'être homme pour pouvoir exister politiquement. Oui, tout à fait. C'est là, je parlais tout à l'heure du caractère révolutionnaire, ou en tout cas radical, de la pensée d'Arendt, c'est-à-dire qu'elle lie le fait de participer à une communauté politique et juridique à une construction de l'humanité de l'homme. Alors, quand on entend ce texte et quand on relit le chapitre proprement dit, j'invite les auditeurs et les auditrices à lire ce chapitre qui est extrêmement intéressant, même s'il est dense conceptuellement. Il faut peut-être dissocier deux temps et ne pas confondre peut-être deux choses que semble nous dire Arendt dans son texte. Souvent, en fait, on résume la pensée d'Arendt et alors on l'appauvrit énormément. On dit que finalement, ce que nous dit Arendt, c'est que les droits de l'homme, doivent être protégés, assurés, garantis dans un cadre étatique pour être effectifs. Mmh. Et donc, d'une certaine façon, pour le dire de manière philosophique, il y aurait une substance humaine qui serait reliée aux droits de l'homme et qui aurait besoin d'une protection artificielle pour exister. Alors, ce que dit Arendt, à un moment, effectivement, elle parle de la question de l'effectivité des droits de l'homme, du fait que les apatrides et les réfugiés de l'entre-deux-guerres n'avaient plus aucun droit garanti, mais elle va beaucoup plus loin. Elle indique que l'humanité de l'homme provient de l'élément artificiel que sont les droits du citoyen. Donc c'est en entrant dans la communauté politique, en ayant accès à un espace public politique, un espace d'apparition dans lequel il peut faire l'expérience de ses droits de l'homme, que l'être humain s'humanise en quelque sorte. Donc il y a, si vous voulez, deux définitions de l'humanité qui court dans tout le texte d'Arendt et peut-être dans toute son œuvre. Une définition naturelle de l'humanité, c'est l'être humain en tant qu'il est membre de l'espèce humaine et qui est finalement le titulaire des droits de l'homme tel que le vit, selon Arendt, les grandes déclarations de droits du XVIIIe siècle. Et puis, il y a une définition politique de l'humanité où l'être humain ne devient tel en réalité que lorsqu'il devient un citoyen. Et de sorte que c'est ici qu'on tombe sur... on déplie ce paradoxe sur lequel repose la pensée d'Arendt et on retombe sur ce que Étienne Balibar, par exemple, dans les commentateurs contemporains, appelle le théorème d'Arendt. C'est-à-dire qu'en réalité, selon elle, si les droits de l'homme disparaissent dans la situation qu'on a décrite tout à l'heure, c'est parce qu'en réalité, ils reposent sur les droits du citoyen et pas l'inverse. Ce ne sont pas les droits du citoyen qui dépendent des droits de l'homme, comme on le conçoit dans la conception traditionnelle, puisqu'on conçoit des droits de l'homme qui sont supérieurs au cadre étatique et qui devraient constituer le critère à l'aune duquel mesurer toute loi positive. Eh bien, à l'inverse, ce sont les droits du citoyen qui sont la mesure des droits de l'homme ou la condition des droits de l'homme. Ça veut dire que si un homme n'est pas un citoyen, il n'a pas de droit, tout simplement. Mais comment est-ce que Arendt identifie la genèse? Alors là, si on laisse de côté un instant la question des apatrides et même des migrants aujourd'hui, Arendt s'est intéressé, alors plus tard, dans la condition de l'homme moderne, et puis aussi dans la crise de la culture d'ailleurs, à ce qu'elle appelle le commencement absolu que constitue une vie humaine. L'irruption d'une vie humaine dans ce monde qui préexiste est un commencement absolu. Elle parle même de miracle en qualifiant l'existence humaine. C'est quand elle pense cette existence-là d'une manière, disons, pré-politique. Cette existence-là a un sens pour Arendt. Comment, dans cette conception-là, est-ce que le droit arrive? Est-ce que c'est dès lors que un individu naît et rencontre un autre individu, donc un lien politique peut advenir, et alors la question des droits arrive? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que la réflexion juridique d'Arendt s'intègre à sa réflexion, disons, philosophique, presque anthropologique? Alors, c'est une question extrêmement intéressante et complexe. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a vraiment une pensée de l'articulation entre droit et politique chez Arendt. C'est-à-dire que le droit, les lois, les droits de l'homme, tout le rôle des juges, qui est évidemment d'être les garants de la loi commune, de l'interpréter, de l'appliquer à des situations particulières, toutes ces instances sont finalement forment la condition de la politique, conditionne la politique et lui offre un certain nombre de limites. Et c'est une pensée des limites qu'on trouve chez Arendt, mais qui n'est pas, si vous voulez, exprimée sous une forme négative. C'est une limite au sens positif de quelque chose qui contient un phénomène. Si la politique peut exister dans la pluralité, c'est précisément parce qu'il y a ce cadre préexistant qui est notamment un cadre juridique qui fait que quand on arrive, comme pour reprendre votre exemple de tout à l'heure, Adèle Van Rhett, quand on arrive au monde, on n'arrive pas au monde nu de façon tout à fait comme un élément complètement isolé, si vous voulez, du monde, mais on a déjà un statut juridique. On a des liens de filiation qui sont établis avec nos parents. Il y a tout un système protectionnel qui nous encadre en tant que nouveau-né, puis qu'enfant, adolescent, etc. Et puis, donc, tous ces droits mis ensemble nous offrent, si vous voulez, une protection. Arendt, dans des pages assez lumineuses de l'essai sur la Révolution, parle du masque de la personnalité juridique en se référant à l'étymologie du mot persona, qui était le mot personne vient du mot persona, qui en latin était le masque que portaient les comédiens au théâtre. Et il y a une pensée chez Arendt de l'apparence, une réhabilitation des apparences dans le champ politique, qui passe également par une réflexion sur le droit, puisque ces apparences renvoient pour elles principalement au masque de la personnalité juridique, qui nous permet à la fois d'apparaître aux yeux des autres et de nous insérer dans la pluralité, mais aussi, si vous voulez, de garder un secret, quelque chose qui est caché derrière, qui est notre intimité, et qu'on ne va pas forcément partager dans l'espace public. Donc il y a cette dialectique chez Arendt très importante entre ce qui est public, ce qui est privé, et qui passe en réalité par une réflexion très fine sur cette articulation, comme je l'ai nommé tout à l'heure, entre droit et politique. Mais une fois qu'Arendt fait le constat de l'échec des droits de l'homme, de leur inapplicabilité au moment où elle écrit ce texte, elle ne renonce pas pour autant à l'idée même de droit, loin s'en faut, même à la pertinence de l'idée de droit pour qu'un monde politique commun puisse avoir lieu. Alors comment propose-t-elle de faire appliquer, mais là de manière très concrète, de manière très juridique, ce droit de l'homme? Elle ne renonce pas à l'idée. Est-ce qu'elle pose, elle, qu'il devrait y avoir un droit de l'homme a priori, avant même presque la naissance, avant toute institution politique, et donc indépendamment de la citoyenneté? Alors là, il faut rentrer, effectivement, c'est le moment de rentrer dans une subtilité de la pensée d'Arendt des droits de l'homme, parce que sinon on aura des difficultés, qui est cette distinction qu'elle propose entre le droit d'avoir des droits, donc à un moment dans son texte, je ne sais pas s'il y aura un extrait, mais en tout cas, il y a un moment où elle énonce cette notion très très commentée dans la pensée contemporaine de droit d'avoir des droits, où elle nous dit que c'est précisément, nous n'avons pris conscience de l'existence d'un droit d'avoir des droits que lorsque nous avons constaté que certaines personnes pouvaient être exclues du champ d'application des droits de l'homme et de toute collectivité politique. Et évidemment, la question du statut de ce droit d'avoir des droits est difficile. Donc quand vous me posez la question, est-ce que Arendt pense qu'il faut appliquer les droits de l'homme et selon quelles conditions, si vous voulez, il faut voir de quoi on parle. Si on parle des droits de l'homme tels qu'ils existent, tels qu'on les conçoit dans la pensée traditionnelle ou dans les textes qui énoncent les droits de l'homme, ce sont pour Arendt plutôt des droits du citoyen. C'est comme ça que, dans son vocabulaire, c'est comme ça qu'elle les énonce. Et ils sont protégés, nous dit-elle, alors dans un cadre étatique, même si depuis il y a une protection internationale, supranationale des droits de l'homme qui, évidemment, peut rappeler les États à leurs obligations envers leurs citoyens. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a cette question très importante de cette notion de droit d'avoir des droits, qui, d'ailleurs, a dit Catherine Colliot-Hélène, une commentatrice, une philosophe politique française, est aussi magnifique qu'énigmatique. Le statut de ce droit d'avoir des droits est plus politique que juridique, pour répondre à votre question. C'est ça. C'est un droit d'inclusion dans une communauté politique, quelle qu'elle soit. Et ce droit d'avoir des droits est un droit qui devrait effectivement être protégé au niveau international, nous dit Arendt. Par contre, il y a quelque chose dans le texte qui est assez déroutant, c'est que on ne peut pas, je pense, tirer du texte d'Arendt dans son état actuel, dans l'état que, dans lequel elle nous les a laissés à l'époque, une réponse, si vous voulez, politique, pragmatique, concrète, à la question comment faire pour assurer l'effectivité de ce droit d'avoir des droits, qui est donc ce droit fondamental à l'inclusion politique. Donc c'est un principe philosophique, c'est comme une idée régulatrice. Il faut imaginer que l'homme ait le droit d'avoir des droits sans forcément interroger l'effectivité même de ce droit. C'est-à-dire que c'est un droit effectivement qui est tellement fondamental que pour Arendt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le droit qui nous donne accès non seulement à la citoyenneté, mais aussi à l'humanité elle-même. Donc c'est ce droit qui nous permet d'être inclus dans une communauté qui va nous permettre également de nous humaniser. Cette idée, j'y avais jamais pensé, c'est une idée régulatrice, pourquoi pas. Étienne Tassin, dans un texte qu'il a consacré à cette question des droits de l'homme chez Hannah Arendt, parle d'un principe transcendantal du droit. Donc c'est effectivement, on retrouve dans certaines formulations d'Arendt l'idée qu'il n'y a qu'un seul droit qui transcende les droits de l'homme, entendons les droits du citoyen dans leur diversité, il n'y a qu'un seul droit qui les transcende, c'est ce droit d'avoir des droits. Mais c'est juste un droit qui ne correspond à aucun texte, qui n'est pas appliqué par une loi, est-il encore un droit ? Alors, à mon avis, le statut qu'on pourrait lui donner, effectivement, c'est une sorte de principe philosophique qui pourrait devenir un critère. Alors, c'est une piste qui me semble assez intéressante pour évaluer peut-être certaines politiques concrètes qui sont menées sur le terrain des droits de l'homme et du droit international, c'est-à-dire les discussions contemporaines d'ailleurs qui sont assez nombreuses sur quelle effectivité donner au droit à la migration, avec des débats politiques qui peuvent être souvent, comme on le sait, assez, si vous voulez, dichotomiques, où la question finalement se ramène, est-on pour ou contre la migration, sans articuler, essayer de penser... Personne n'est pour, hein. La migration, personne n'a envie d'encourager les phénomènes migratoires tels qu'ils ont lieu aujourd'hui. Bon, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être dans une veine plus idéaliste, qui au contraire, affirment qu'il faudrait tout à fait ouvrir complètement les frontières. Ah, mais ça, c'est une autre question. Mais ça ne veut pas dire qu'ils encouragent la migration. Ils voudraient accueillir les migrants. Mais personne ne voudrait perpétuer l'état de fait dans lequel nous sommes. C'est-à-dire la migration, les causes de la migration, c'est pour ou contre l'accueil des migrants. Il y a la question des causes de la migration, mais il y a certaines réflexions contemporaines qui vont jusqu'à dire que peut-être, si on ouvrait les frontières, justement, on changerait les configurations aussi, ou les inégalités sur le plan économique et social, mais c'est peut-être un autre débat. Mais en tout cas, peut-être que cette idée de droit d'avoir des droits pourrait constituer une sorte de critère, effectivement, plutôt de nature philosophique que strictement politique ou juridique, pour évaluer certaines politiques contemporaines. Si le problème qu'on retrouve dans la manière dont sont configurés actuellement les droits de l'homme, c'est que quel que soit le niveau qu'on considère, au niveau de leur reconnaissance nationale, supranationale ou internationale, on a finalement un droit à la nationalité, hein, qui peut être exprimé dans certains textes, ou à la citoyenneté, mais qui a finalement le même statut que tous les autres droits. Ce que nous invite à penser Arendt, c'est éventuellement que sur un plan théorique, principiel, il y aurait un droit d'avoir des droits qui devrait avoir un autre statut ou qui aurait un autre statut que l'ensemble des droits qu'elle appelle les droits du citoyen. C'est-à-dire qui serait antérieur théoriquement. Pour pouvoir bénéficier des droits de l'homme, il faut d'abord bénéficier du droit d'avoir des droits. Alors si on interroge l'efficacité peut-être de ce droit, est-ce que signifie que le droit d'avoir des droits, a-t-on le droit par exemple de créer des apatrides? C'est une question qui s'est posée il n'y a pas si longtemps. Je vous propose d'écouter le montage effectué par Thomas Beau, c'était en 2015. Nous disons très simplement, monsieur Hollande, si vous voulez la déchéance de nationalité, nous la voulons avec vous, nous la voterons. Mais ne créez pas des apatrides. Il y a une condition qui doit être très claire. La France ne peut pas créer des apatrides, c'est-à-dire des personnes sans nationalité. Le 16 novembre, j'avais... 3 jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis, proposer une révision de la Constitution pour mieux garantir l'utilisation de l'état d'urgence et pour priver de la nationalité française les terroristes qui portent les armes contre leur propre pays. Je constate aujourd'hui quatre mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Là, on en arrive à des considérations vraiment juridiques, hein, Vincent Lefebvre, finalement. A-t-on le droit de créer des apatrides ? Je rappelle que donc après les attentats de novembre 2015 à Paris, François Hollande proposait de priver les terroristes de la nationalité française, quand bien même ceux-ci n'auraient pas une autre nationalité. Il aurait de ce fait créé des apatrides, juridiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui se tient ? Juridiquement, il y a une convention internationale qui empêche les États signataires, dont la France. C'est d'ailleurs pourquoi on entendait, je pense que c'était Manuel Valls. Tout à fait. Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, puis François Hollande. En tout cas, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français, rappelait effectivement, implicitement, qu'il y avait des obligations internationales qui sont celles de la France et qui l'empêchent de créer des apatrides, des situations d'apatridie. Vous rejoignez tout à fait ce que je proposais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une actualité de la pensée d'Arendt où on peut puiser dans la boîte à outils de la pensée politique d'Arendt pour penser et affronter des événements contemporains. Et là, évidemment, tout ça se réfère à la question du terrorisme et cette révision de la Constitution. Donc on touche vraiment au fondement de l'État français. C'est ça qui était envisagé comme réforme qui a échoué finalement, si je me souviens bien. Il est clair que Arendt peut nous aider à penser les conséquences non seulement sur le plan juridique, hein, puisqu'il y a cette obligation internationale de ne pas créer des cas d'apatridie, mais sur le plan plus existentiel ou politique, ce que pourrait être de créer des situations d'apatrides. Imaginons qu'ici, c'est dans le cas de combattants de l'État islamique. Mais que vont faire ces personnes qui sont apatrides ? Ben, essayer, soit de retourner dans un lieu où ils pourront continuer son combat politique s'ils y adhèrent toujours, ou bien se retrouver dans une situation existentielle qui serait extrêmement problématique, hein, selon Arendt, et qui, d'une certaine manière, figure, comme on le disait tout à l'heure, en tout cas à partir du moment où ça touche des masses de personnes, une sortie d'une communauté politique dans laquelle on est intégré, on est jugé en fonction de ses actes et de ses opinions, et donc une sortie d'humanité qui peut avoir des conséquences graves et peut être le terreau peut-être d'un nouveau totalitarisme. C'est d'ailleurs pas une idée qui est complètement théorique aujourd'hui, puisqu'on a vu l'apparition d'un nouveau totalitarisme avec l'État islamique. En tout cas, je fais le choix de l'interpréter politiquement de cette manière-là. Même si l'avènement de cet État-là n'était pas lieu à un cas d'apatridie, en fait. Là, c'est pas ça qui précédait. Non, c'est pas la même situation, mais il y a une autre situation quand je pensais tout à l'heure en fait à utiliser la pensée d'Arendt comme critère peut-être, ou en tout cas comme horizon de pensée pour évaluer des politiques très contemporaines. Eh bien, il y a simplement la réaction politique de l'Union européenne à ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, à tort ou à raison, c'est-à-dire en tout cas pour le dire de manière plus prosaïque, l'augmentation extrêmement forte de la demande d'asile des masses de réfugiés ayant demandé, il y a eu un pic en 2015 d'obtenir l'asile en Europe, on a vu la réaction de l'Europe. Pour résumer les choses, parce que je pense que c'est quand même important, pour résumer les choses, il y a une attitude de l'Europe qui est assez, on va dire, duelle. D'un côté, on dit qu'on l'Europe, les institutions européennes rappellent qu'elles veulent protéger les droits de l'homme, que l'une des bases l'un des fondements de l'Union européenne est précisément le respect des droits de l'homme. Et par ailleurs, il y a une politique de fermeture des frontières en Union européenne où on crée des situations où même si des personnes ont juridiquement le droit de devenir des réfugiés en vertu de la Convention de 51 de Genève sur les réfugiés, mais n'ont pas de voie d'accès légale vers l'Europe, donc doivent prendre les chemins et les voies de migration illégale qu'on connaît tous malheureusement et qui sont dramatiques. Donc il y a cette situation qui est, et d'ailleurs, j'ajouterais des accords avec certains pays comme la Turquie notamment, où on essaye de créer une situation où le problème restera aux frontières de l'Europe en créant des situations sur le plan existentiel qui sont complètement insupportables. Alors, ce n'est pas évidemment pour être uniquement sur le terrain de l'indignation, mais pour montrer que dans un discours politique dans lequel on peut aussi émettre des opinions politiques, ben ce discours politique, cette prise de position politique peut aussi s'abreuver sur la pensée des droits de l'homme d'Arendt. J'entendais il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, mais un ambassadeur d'Allemagne qui avait visité un camp en Libye en disant que la situation des droits de l'homme était déplorable. Alors, est-ce que ce n'est pas un oxymore de dire que dans un camp de réfugiés, la situation des droits de l'homme est déplorable ? Je pense que la pensée d'Arendt peut éclairer cette situation et qui comparait d'ailleurs, malheureusement, la situation dans ce camp en Libye au camp de concentration nazi de la Deuxième Guerre mondiale. On va se quitter avec un dernier son, Vincent Lefebvre, la voix d'Étienne Tassin, qui était un spécialiste d'Anna Arendt qui nous a quittés l'an dernier. Il était venu au micro des Chemins de la philosophie en février 2016, parler des migrants. Il évoquait à l'occasion de cette discussion la grande manifestation des sans-papiers en 1996, qui avait occupé l'église Saint-Bernard à Paris dans le 18e siècle. C'était l'occasion pour lui de réactiver un concept mis en place par Arendt, qui est celui de courage. Le courage est la qualité politique partagée par tous, au fond. Un citoyen, c'est un individu qui, un jour, sort de sa maison pour aller sur la place publique. Pour moi, l'exemple le plus remarquable dans les dernières années du courage, ce fut le cas des travailleurs immigrés sans papier qui, lorsque par exemple en 1996, ils décident de revendiquer un statut, d'être reconnus comme des hommes libres, comme des égaux, alors vont sortir de la clandestinité dans laquelle ils sont, s'exposer sur l'espace public et dire simplement la chose suivante, nous sommes des êtres humains. C'est un acte, c'est une action qui est exactement l'exemplification de ce qu'est la liberté charente, une action qui interrompt un ordre, une action qui fait surgir dans le domaine du visible des êtres agissant ensemble et qui, du coup, demande un courage formidable, puisqu'effectivement, dès lors qu'ils apparaissent et sortent de la clandestinité, la police est là pour les repérer, les arrêter, les identifier, les incarcérer ou les expulser. Et donc, en faisant ça, ils ont, à mes yeux, démontré leur courage civique et ils ont conquis leur titre de citoyen, uniquement parce qu'ils ont témoigné de ce courage. Vous avez connu Étienne Tassin, j'imagine, Vincent Lefebvre. Oui, j'ai connu Étienne Tassin et évidemment c'est une grande perte de l'avoir perdu, lui qui nous éclairait si bien sur les textes d'Arendt et sur la pensée d'Arendt. Et ici, effectivement, qui montre la façon dont la pensée d'Arendt, par rapport à cette question de la migration, est réactivée aujourd'hui dans le champ philosophique de manière extrêmement stimulante et qui montre que, effectivement, les droits de l'homme sont aussi des droits qui doivent être démontrés, pour employer un vocabulaire qui est plus celui de Jacques Rancière, c'est-à-dire qu'ils doivent être démontrés, effectivement, et qu'il y a une possibilité d'utiliser notamment les droits de l'homme comme outil politique pour redevenir visible, rentrer dans l'espace public pour des personnes qui en sont exclues, ce qui est aussi une manière, je pense, de vivre juridiquement, c'est-à-dire pas uniquement rester dans une situation qui est figée. On retiendra donc le terme même de courage et je vous renvoie, chers auditeurs, à l'article « Qu'est-ce que la liberté dans la crise de la culture ?» donc 10 ans après les origines du totalitarisme, dans lesquelles on trouve de très belles lignes sur le courage, écrites par Arendt. Merci beaucoup Vincent Lefebvre d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Parlez d'Arendt et lisez bien sûr « Les origines du totalitarisme » disponible par exemple en Quarto Gallimard. On se quitte avec le groupe de hip-hop Refugees of Rap, un groupe de Syriens qui dénonce le régime de Bachar al-Assad depuis 2007. ما بيهمني كلامكم مادام ما افعالكم مش مظبوطه ولا مربوطه فيه يا سر الندب قوم وراكم لحقكم كلامك تغلب رشاش فيه سموني بابليك انمي صار عندي مليون انمي الحمد لله على طول مع الحق واقفين ما في خوف خير من ربي هذا هو الراب بلاش ابدا صفر اليوم كله صار يعرف اغانينا سمونا صوت الشعب عم طير الحكام من كرسيهم كنا اعصب كاترينا سلام لمسمعينا الاصبع على الوسط لكرهينا ما بد اسرق فينا نحن لاجئين الموسيقى اراضينا بعد همني كلام ما مسؤول قول كل شي بالقلب الحرب عم تدوم الاعلام صلى غسل عقول قوم دور الحق قبل ما تصير مرحوم ما بيهمني شي صوت الشعب هو هدفي بعبر بحكي يلي بقلبي لاجئي الراب اسمي لانه بتعرف انه نسيان الشعب عارف انه غلبان الحرب عاش تقتل انسان تركوني والله اني تعبان من بلدي يلي صاير فيه اجرم خفي انا بعرف فيه انه الشعب معي مين كان ملفات بالحياة ولما مات انا عايش بحباط انا عايش ارتباط بين الواقع والسراب بين الرحمة والعذاب بين لاجئي الراب السو بجيل عالبيت غريب بفلو فريد وبضل بعيد مشان هيك كنت قول لك هيك انا بك هاي هي حب الراب كلمتي طلعت من الارض لا توصل السحاب مشان هيك اجيت وبيدي الميكروفون بدي كل العالم تعرف اني قاعد هون انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي ما بيهمني شي انا ما بيهمني شي Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous vous posez des questions cruciales. Eh oui, vous savez, celles qui reviennent sans cesse, comme par exemple, peut-on rire de tout ? Ou faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Ou encore est-il interdit d'interdire ? Et j'en ai d'autres. À la fois cruciales et épuisantes, ces questions en amènent une autre. Pourquoi encore et toujours ces éternelles questions ? Bruno Solo, c'est une vraie question éthique et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on dissocie l'artiste de la personne ? Est-ce que Roman Polanski oui, fait des on films ? Dissocie, est-ce qu'on va voir ses films ? Il faut dissocier, parce qu'autrement, il y a les exemples qu'on nous rebâche sans arrêt. Céline, on pourrait dire Claude Autant-Lara, qui a eu des propos à la fin de sa vie absolument épouvantables. Et c'est pour cent l'homme qui a fait La traversée de Paris, qui était un film qui dénonçait pourtant voilà, la collaboration. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, elle se fait, de fait, il y a une distinction entre l'homme et l'artiste. Polanski, Gauguin, Céline, Woody Allen, les exemples ne manquent pas pour sortir de son chapeau l'éternelle question de la séparation entre l'homme et l'artiste. Soyons honnêtes, on n'en peut plus. Mais soyons honnêtes aussi, personne n'a la réponse. Si Bruno Solo, l'acteur qu'on vient d'entendre dans cet extrait, est capable de dire que de fait, cette séparation existe, je suis tout autant capable de lui répondre que de fait, une personne ne se coupe pas en deux, avec une moitié homme, une moitié artiste. Alors certes, je suis capable aussi de voir ce qu'a voulu dire Bruno Solo et j'ai expérimenté le fait simultané de trouver par exemple un film de Polanski génial et de me dire que ça pouvait être un mec dégoûtant. Bon, quand se pose cette question ou une autre, comme peut-on rire de tout, on est de toute façon pris au piège. Le contexte, l'interlocuteur, la critique, la concession, l'époque, on parle beaucoup de ça avec l'affaire Gabriel Maznev, l'expérience, nos valeurs, tout ceci fait qu'on ne sera pas constant sur le sujet. À moi d'adopter une position de principe, je mets au défi quiconque de m'apporter une réponse absolue, valable de tout temps, implacable, vérifiable à ces questions, comme on pourrait me démontrer que 2 plus 2 font 4. Voilà le problème, ce genre de question n'est pas mathématique. D'où le fait qu'elle soit reposée, qu'un moindre événement la réactive, qu'on trouve à en redire. Mais voilà ma question, pourquoi certaines questions justement reviennent et pas d'autres ? Pourquoi revient « peut-on rire de tout » par exemple, et pas une belle question philosophique comme « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Mais là encore, que choisir ? Alors bien sûr, la collaboration, c'était le bon droit, la respectabilité, et puis des places de faveur au concert de Tino Rossi et de Maurice Chevalier. Oui, mais la résistance, c'était la vie au grand air, Yukaidi, Yukaida. Oui, mais pour bien gagner sa vie dans la collaboration, fallait dénoncer les Juifs. C'est pas très joli. Oui, mais dans la résistance, on dénonçait pas les Juifs, mais fallait vivre avec. Aurais-je été collabo ou résistante? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les goûts sont-ils dans la nature? Est-il interdit d'interdire? Ou encore, faut-il coucher le premier soir? Y aurait-il des questions qui mériteraient par essence d'être posées? Des questions types. Mais alors, comment fonctionnent-elles? À quoi ressemble ce qu'on pourrait appeler une éternelle question? Eh bien, en examinant ces éternelles questions, je me suis rendu compte qu'elles avaient en commun un, de ne pas être mathématique, comme je l'ai dit, et deux, d'être tout autant générales que particulières. Elles vont de l'astronomie au choix intime. Pourtant, si on regarde bien, si ces questions sont étendues, elles ne sont pas pour autant ouvertes. Elles n'appellent qu'un oui ou qu'un non, ou alors un choix entre deux éléments du type la poule ou l'œuf. J'en déduis donc ce paradoxe, pour devenir éternelle, une question doit brasser large, mais réduire les possibles. Elle doit avoir l'apparence d'une question, mais pas la profondeur qu'elle appelle. Elle doit laisser penser qu'on dialogue quand on ne fait que juxtaposer des avis. Autrement dit, l'éternelle question nourrit et pourrit en un geste le débat. C'est un sondage qui risque bien de clore le débat lancé jusque dans l'Assemblée nationale sur le mot « chocolatine ». Selon une étude IFOP pour la Fédération des entreprises de boulangerie, 84% des Français utilisent l'appellation « pain au chocolat » contre seulement 16% « chocolatine ». Le constat est donc sans appel. Le problème avec ces questions éternelles, c'est que montrer comment fonctionne cette question ne résout pas le problème de sa fréquence. Je me suis donc redemandé sincèrement pourquoi reviennent-elles. Est-ce que c'est par manque d'originalité? Est-ce que parce que ça flatte nos égos de penseurs sans trop nous engager? Ou parce qu'elles seraient, malgré nos ricanements, de vraies bonnes questions? C'est une hypothèse, car ces éternelles questions semblent les seules capables de faire parler les plus taiseux, autant pour dire des bêtises d'ailleurs que pour développer de bons arguments, voire les deux en même temps. Pour finir, j'ai donc moi aussi une éternelle question. En 2020, pourra-t-on créer de nouvelles éternelles questions? Mais c'est un bon défi, je vous propose qu'on le relève au chemin. D'ailleurs, on pourrait faire une série d'émissions sur les questions éternelles ou les dilemmes moraux qu'on n'arrive pas à trancher. Peut-on rire de tout? Faut-il séparer l'homme de l'art? On va bien s'amuser et surtout pas en chocolat et chocolatine. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette semaine Arentienne, Jean-Frédéric qui est à la prise de son aujourd'hui et qui a lorgné sur le livre discussé, je l'ai vu tout à l'heure, on le donnera à la fin. Merci Jean. On se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, ce sera l'occasion de redécouvrir un Profession Philosophe enregistré avec Heinz Wissmann, initialement diffusé en janvier 2020. Pour écouter cette émission ainsi que cette série sur les origines du totalitarisme d'Anna Arendt, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, l'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.